L'actualité à Nancy et ailleurs. Direction Pagny-la-Blanche-Côte, à 40 minutes de Nancy, près de Vannes-le-Châtel, où va se dérouler les 15 et 16 septembre un nouvel événement local, un marché artistique et artisanal, un restaurant délirant dans un lieu original. Émilie Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Fort Alternatif qui porte ce projet. Alors avant de découvrir plus en détail le contenu de ces journées, présentez-nous ce lieu et l'association. Alors Fort Alternatif, c'est une association qu'on a créée en 2015 parce qu'on est un petit collectif à avoir acheté un bâtiment historique. C'est la batterie d'un ancien fort militaire dans la Meuse, donc à Pagny-la-Blanche-Côte. Donc on appelle l'ancienne batterie de Pagny. Et alors, on a acheté ce bâtiment ensemble pour créer à la fois des habitations et des événements. Donc l'association, elle est axée sur la rénovation du lieu, la mise en valeur du patrimoine, des interactions qu'on peut avoir avec les acteurs locaux et la création d'événements, d'animations culturelles. Un premier événement qui va se dérouler les 15 et 16 septembre, donc pour réhabiliter ce lieu qui était à l'abandon jusqu'à maintenant. C'était pas tout à fait à l'abandon parce qu'il y a eu d'autres propriétaires particuliers avant nous. Nous, on a racheté aussi un collectif qui était un petit peu dans la même lignée de faire un lieu de vie collectif, autonome en énergie. L'événement, il va recouper pas mal d'acteurs locaux, donc à savoir beaucoup d'artistes et d'artisans pour un marché. Le restaurant délirant, il est organisé aussi avec des gens du voisinage. Et par ailleurs, on a le samedi soir des concerts avec des pointures du style dub musique. C'est vraiment un événement pour ouvrir nos portes sur le lieu, que les gens puissent découvrir le lieu, avoir une vraie promenade bucolique, parce qu'on est dans la forêt, c'est bien le dire. Oui, exactement, oui. C'est à la fois ouvrir nos portes et puis créer un petit événement local sympathique. Voilà, puis faire connaître l'association aussi, votre projet. Il est né il y a combien de temps ? Le projet, il est né plutôt en 2010, j'ai envie de dire, ouais. Parce qu'on s'était retrouvés sur une ancienne table billard du côté de Pont-à-Mousson, et on a commencé à vivre en collectif, et puis on partageait les centres d'intérêt. Avec chacun de nous avait des compétences assez différentes, donc on a mis en commun nos compétences, et puis on a commencé à faire des petits événements, organiser des petits festivals, participer à d'autres festivals, et puis on avait du coup ce lieu de vie commun qui était super bien pour échanger, pour créer. Alors quand on a dû quitter ce lieu, on a décidé de trouver autre chose, et c'est comme ça qu'on a trouvé la batterie du Fort de Pagny, et c'était l'endroit rêvé pour pouvoir à la fois vivre à plusieurs, créer, avoir vraiment de l'espace et accueillir du public. Voilà, le public qui sera bien sûr invité à venir découvrir tout ça les 15 et 16 septembre. Vous avez cité un marché artistique et artisanal. Vous avez aussi cité un restaurant délirant. Qu'est-ce qui se cache derrière ce restaurant ? Alors, le restaurant délirant, c'est un concept sur lequel on innove. Bien sûr. L'idée, c'est de proposer un bon repas qui soit végétarien, parce que ça fait partie de nos habitudes de vie. Mm-hmm. Voilà, la nourriture végétarienne, montrer que avec la nourriture végétarienne, on peut faire des plats succulents. Et l'idée, c'est de rigoler autour de ce repas. Donc, on organise des jeux, des petits spectacles. Ça va pas manquer de surprises, en tout cas. Donc, tout ça les 15 et 16 septembre. Ça commence le samedi à 10h, c'est ça ? Jusqu'à 2h du matin. Pour les concerts, une petite participation de 8 euros est demandée ? Absolument, oui. Pour les concerts, on a une participation frais de 8 euros qui va servir à rémunérer les artistes, payer leur transport, etc. Voilà. Et le restaurant délirant, on a un menu unique à 20 euros, donc qui comprend apéritif, entrée, plat, dessert, café. Et pour les enfants, jusqu'à 12 ans, c'est 10 euros. On retrouve les infos sur Internet. Comment vous trouvez également, comment trouver le fort sur place ? Alors, ça va être sur Facebook principalement. Mm-hmm. On a une page pour Fort Alternatif et on a l'événement Fort Fort Lointain, chapitre 1. Sur Facebook. Après, on est en train justement d'ouvrir aussi d'autres pages sur Twitter et Instagram. Donc ça, c'est assez nouveau. On le fait aussi dans le cadre d'une campagne de financement participatif qu'on veut lancer à l'occasion de l'événement. Là, on est vraiment sur les outils de communication. On est en train de développer tout ça. Bon développement en tout cas, un premier chapitre qui s'ouvre avec plein d'autres projets derrière, j'imagine, déjà un petit peu dans les cartons. Absolument, je pense que là c'est pas le projet d'une vie, c'est le projet de plusieurs vies. Mais heureusement on est nombreux, donc effectivement que ce soit sur le plan rénovation, événementiel, habitation alternative, Bon, là, en l'occurrence, on a aussi le projet de mettre en place de la phytoépuration sur le lieu, donc l'épuration par les plantes. Hein, on voudrait mettre en place une salle d'eau sur ce procédé-là. Donc, c'est toute une étude. On doit rassembler toutes nos compétences une fois de plus pour étudier la question et le mettre en œuvre. Quoi. Voilà, et faire connaître, pourquoi pas faire naître dans d'autres visiteurs qui viendraient ce jour-là des idées, pourquoi pas pour créer un tel lieu dans d'autres endroits. Émilie Paris, merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.